les pilules, isoler l'infirmière, tourner dans la vie, jouer sans plaisir, courir sans repère, mourir sans la lumière. Partenir sur le sol. Se voir en fantôme. L'homme a tué les vautours. La fille à pied. Découvert, chialé. De travers glissé, du réverbère, n'aie peur que de toi, ce n'est pas l'attitude qui se voit et même. J'espère ne pas finir comme ça. Pas trop. Portée de poing, tapée sur l'enclume, qui ne répond pas, le tuyau qui fuit, qui se suffit à lui, et y a bien des déserts sans pétrole. Et sans fière, il y a bien des républiques qui n'ont pas de public. Mais y a-t-il un terrain sans vie se cacher dessous? N'aie peur que de toi. L'homme a tué les vautours. Chialer de travers. Mais que l'attitude comme ça ne pas finir. Il y a bien des déserts et dessous.